Congo, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des pièges comme une lecture déséquilibrée des faits, du sensationnalisme et la partisanerie guettent le journaliste en période de conflit régional. Ce mardi, lors d'un atelier sur le service de l'information, l'abbé Dieudonné Niyibizi a demandé aux professionnels des médias d'être prudents. Le gouvernement burundais est en train d'installer des équipements le long des routes nationales pour éviter des coupures d'appel pour les gens qui se rendent à l'intérieur du pays, annonce le directeur général de l'ARCT en réaction aux plaintes des usagers sur les mauvais services offerts par les compagnies de téléphonie mobile. Et le pont de la rivière Nyanghoni, reliant le quartier Mukenge à la colline Kirama, est impraticable et prive à la population de différents services au chef-lieu de la commune et province Makamba. Et dans la chronique sur les messages de haine, on décortiquera les attitudes à prendre face aux violences dans la communauté. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. La direction générale de l'Agence de régulation et de contrôle de télécommunications dit être au courant des perturbations du réseau Internet offertes par les compagnies de téléphonie mobile au Burundi. Le directeur général de l'ARCT le dit après les plaintes des consommateurs qui jugent médiocre leur service ces derniers jours. Samuel Mohizi explique que les responsables de ces compagnies sont à l'œuvre pour tenter de résoudre les défis qui les hantent. On l'écoute. Le réseau de l'Omitel acquise un certain nombre de problématiques, notamment la congestion, où certains sites sont saturés. Nous avons déjà relevé dans le rapport, mais également mis en domaine l'Omitel pour l'extension et l'optimisation du réseau. Ils nous ont déjà envoyé certaines des priorités qu'ils sont en train d'implémenter, notamment la mise en place de nouveaux sites actuellement à Kouinerekwa, à Kajaga, Asiatique, mais aussi à Kizingwe-Mihara, mais également des projets d'extension dans d'autres provinces pour les sites, surtout les sites 4G. Donc ça permettra de désengorger les sites existants. Au niveau des connettes, ils n'ont pas beaucoup de projets d'extension, mais le projet de stabilisation des sites existants, notamment par l'alimentation en électricité solaire, ce qui permettra quand même de limiter les coupures progressives quant à l'indisponibilité de l'énergie électrique, de l'énergie des eaux. Au niveau de l'ONATEL également, ils ont un projet similaire, sauf que quand même, ils ont des limites dans l'extension. Le directeur général de l'ARCT prévient que des sanctions sont prévues à l'endroit des compagnies de téléphonie mobile qui n'honorent pas leurs engagements, mais il tranquillise que le gouvernement, appuyé par ses partenaires, est en train d'installer des équipements le long des routes nationales afin d'éviter des coupures d'appels téléphoniques pour les gens qui se rendent à l'intérieur du pays. Suivez encore une fois Samuel Mohizi, directeur général de l'ARCT. Le gouvernement du Burundi, à travers des partenaires, a déjà élaboré des projets via le fonds du service universel. Le projet qui doit couvrir les grands axes en connectivité 2G, 4G, tous les grands axes du pays, afin d'éliminer ces zones. Quand vous êtes sur la paix, ça se coupe, ça reprend. Donc ça permettra quand même de faciliter les connexions tout au long des axes. Mais également, il y a un grand projet financé par la Banque mondiale d'extension des infrastructures, des réseaux 2G et 4G dans tout le pays. Surtout dans les zones limitrophes, avec le Rwanda, la Tanzanie, le Congo. On a déjà identifié tous les endroits qui ont besoin de ce renforcement en matière de connectivité 2 et 4G. Et les projets ou la planification de lancement des appels à manifestation d'intérêt ou des appels d'eau sont déjà en cours d'élaboration. Donc je crois que d'ici un mois, maximum 2 mois, les lancements seront déjà sur place. Et ça permettra quand même de s'assurer que la couverture est totale, mais également la disponibilité des services. Samuel Mohizi, directeur général de l'ARCT, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. En période de conflit régional, le journaliste devrait se garder de tomber dans certains pièges, dont une lecture déséquilibrée des faits, le sensationnalisme et la partisanerie, a suggéré l'abbé Dieudonné Niyibizi ce mardi lors d'un atelier avec des journalistes sur le service de l'information en de telles périodes, avec pour exemple la crise en République démocratique du Congo. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. En temps de conflit, le journaliste, je dirais qu'il vit une situation qui n'est pas assez confortable parce qu'il est invité à faire des reportages, à travailler sur un conflit qui plonge ses racines dans sa propre communauté. Dans ce cas, il a tendance à vouloir reporter les événements par rapport à ses opinions ou à son empathie personnelle. Il est obligé ou on lui demande de dépasser les événements, de dépasser ses sentiments pour reporter ce qui se passe professionnellement sans y mêler ses sentiments personnels ou ses opinions personnelles. Quel piège dans lequel le journaliste peut plonger et amener sa communauté à s'entre-déchirer? C'est un risque qui surgit dès que les communautés se rentrent dedans ou dès qu'il y a une guerre. Il faut plutôt limiter tous les dégâts. Et du point de vue journalistique, et c'est bon d'éviter de pécher contre le réalisme du contexte en voulant le réduire à ce que l'on pense ou le prendre en partie. Il ne faut pas prendre à la légère un contexte conflictuel, sinon on risque d'en produire une mauvaise analyse. Le journaliste doit éviter la partialité involontaire. Oui, on a de l'émotion, on a aussi de l'empathie, mais dès que cette empathie est partiale et dirigée vers un côté en conflit, le journaliste n'est plus professionnel. Donc éviter de pactiser, d'éviter d'avoir cette pitié, d'avoir cette tendance à soutenir une partie en conflit, mais d'être au milieu des belligérants pour chaque fois reporter ce qui se passe et en tentant bien entendu de trouver un point qui peut les unir, de réconcilier les parties à travers la manière d'écrire. Et puis le journaliste en période de conflit doit éviter toute forme de sensationnalisme, que ce soit dans les titres, dans les images choc, dans la dramatisation excessive, éviter un focus permanent sur la violence, parce que tout cela crée au sein de la population des peurs et ça risque d'embraser la société, ça risque de provoquer des divisions ou d'aggraver des divisions. Un journaliste en période de conflit local doit aussi tout faire pour éviter toute forme de partisanerie, toute forme de propagande pour une partie. L'abbé Dieudonné Niwizi appelle les journalistes à toujours vérifier leurs sources d'information, à analyser les preuves et consulter des experts en veillant sur le hope-telling ou des messages d'espoir. Selon toujours cet abbé, il faut éviter des informations divisant les communautés. Dans notre contexte sous-régional, les journalistes burundais ou même de ces pays voisins doivent quand même reprendre les règles de base du métier de l'information. Ici, on rappelle souvent les 3 V, la vérification et après la vérification, parce qu'une fois qu'une information n'est pas vérifiée, ça risque même d'être une opinion qui divise. Le journaliste doit y aller par cross-checking, on dirait par le croisement des sources, vérifier par des sources et croiser ces sources et que ce soit vraiment une règle noble pour pouvoir arriver à détecter si l'information qui circule est vraie. Le journaliste pourra aussi analyser les preuves, images ou vidéos. Sinon, dans ces périodes comme celle-ci, il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos qui circulent comme preuves. Mais ces preuves doivent subir aussi un examen sérieux, une analyse assez profonde pour détecter si c'est vrai. Et le journaliste doit consulter, par exemple, les experts, les spécialistes du domaine, ceux qui suivent de près, ceux qui ont quelque chose à dire par rapport à ce conflit, et rechercher, du point de vue contextuel, à comprendre les enjeux, les tenants, les aboutissants, les détours du conflit. Par exemple, le conflit que nous avons dans la sous-région, il se manifeste par des personnes armées qui se tirent dessus, pas des populations qui sont déplacées. Mais derrière tout ça, qui est là? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-il là? Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui... Des journalistes doivent dépasser le phénomène pour aller aux racines de ce que l'on voit. Et puis, vérifier les dates des événements. Le journaliste doit être prudent pour ne pas être instrumentalisé par une opinion qu'il ne connaît pas, mais qui, à la fin, est bien construite et qui risque vraiment de l'emporter sur la vérité des faits. L'abbé Dieudonné Niwizi au micro de Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Le parti CDP déplore que certains leaders zonaux et communaux verrouillent l'espace politique, notamment en cette période électorale. Le président de ce parti donne l'exemple d'une réunion organisée en commune Kiwago de la province Makamba qui était perturbée alors qu'ils avaient demandé la permission aux autorités habilitées. Anissé Nyonghoru voit que ces perturbations hypothèquent les activités des partis politiques alors qu'ils en ont le droit. Suivez. Nous qui sommes sur le terrain, nous avons beaucoup de problèmes. À Cibitoki, nous avons connu un membre du parti CDP qui se trouvait sur la liste des candidats députés aux élections prochaines, qui a connu un emprisonnement de 3 semaines pour rien, pour avoir parlé du parti dans un cabaret. Nous avons connu aussi une arrestation du représentant de notre parti au niveau de Bujumbura élargi, qui aussi est passé au BCR pendant une demi-journée pour avoir parlé du parti quelque part en public. Nous avons aussi connu au niveau de Kibago, commune Kibago, un empêchement de tenue de réunion le 1er mars. L'administrateur de la commune Kibago nous a empêché d'entrer dans une salle que nous avons louée. Et nous avions le reçu qui montre bien que nous avons payé pour la salle et pour la sonorisation aux veilleurs de nous empêcher d'entrer dans la salle. Donc nous étions obligés de tenir la réunion dehors ou dans la rue. Et c'est la 4e fois que cet administrateur communal nous empêche de tenir une réunion officielle, une réunion qui avait été annoncée. Le président du parti CDP apprécie positivement la réaction du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions pour avoir répondu favorablement au moment de ces perturbations. Il lui demande aussi d'organiser des séances de formation à l'endroit des leaders communaux et zonaux pour qu'ils soient au courant des droits des partis politiques. Et au parti Uprona, l'on considère également que les administratifs doivent savoir que les partis politiques agréés ont le droit de tenir une réunion sur tout le territoire national. D'après le président du parti Uprona, qui s'exprimait après que les militants de ce parti en commune Buraza aient été malmenés ce samedi, n'eût été l'intervention du gouverneur de Gitega pour remettre de l'ordre. Olivier Nkurunziza rappelle à ses administratifs qu'ils sont au service de tous les Burundais et non du parti qu'ils représentent. On l'écoute. Nous avons constaté que les administratifs de la base, les administrateurs et les chefs de colline ou les chefs de zone se comportent d'une manière qu'on ne peut pas savoir d'où ils tirent de l'ordre. Par exemple, au niveau de l'Iprona, la semaine passée, le week-end passé, les Badasigana avaient une réunion en commune de Buraza. L'administrateur de la commune s'est donné le droit d'envoyer le jeune du parti au pouvoir, d'aller perturber la réunion. Cela, c'est vraiment des choses qui ne sont pas appréciées, effectivement, par le parti Prona, et ça a causé des perturbations. J'ai aussi l'exemple de la commune Mukike où le parti Prona et commune Mugongomanga venaient de passer plus de 6 mois sans tenir de réunion parce que les administrateurs de ces communes avaient refusé de donner la permission au parti Prona de tenir une réunion dans ces communes. Et je remercie beaucoup le gouverneur de la province Bujumbura qui a pris le dessus et qui a autorisé, qui a effectivement un conseil d'administrateurs de la base de laisser le parti Prona de tenir leur réunion. Malheureusement, en commune Mukike, dimanche, à mon arrivée sur le terrain, j'ai trouvé les jeunes du parti au pouvoir à la tête. Ce qui est étonnant, le conseiller chargé du développement du gouverneur en sport avec deux chants qui ne sont pas du tout appréciables parce que ça faisait peur. À Kanyosha aussi, la semaine passée, l'administrateur, il a même lui écrit une lettre de nous refuser une réunion en commune Kanyosha dans la zone Mouyira, ni t'était recours du gouverneur. Vous voyez que cet excès de zèle qui empêche effectivement les partis politiques d'être libres, ça pouvait à un certain moment perturber et créer effectivement des problèmes sur le terrain. Nous conseillons aux administratifs de la base de respecter la loi. La concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM, apprécie positivement le message du président sur son souhait de mise en place d'une loi régissant la succession au Burundi. Évariste Ndayishimiye s'exprimait en date du 8 mars dernier à Bubanza lors de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme. La deuxième vice-présidente de la COCAFEM, Paskazi Sinzinghayo, souligne que depuis 2008, ce qui freine la mise en place de cette loi sont les divergences de vues sur les mœurs et les coutumes burundaises. C'est une loi que nous attendons depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait une loi. Ça, c'est une longue attente. Toutefois, on n'ignore pas qu'on y associe toujours, quand on parle de cette loi-là, il y a les mœurs et coutumes burundaises qui surgissent et qui font freiner la mise en application de cette loi-là. Nous convenons tous qu'il y ait dans la pratique des coutumes et des mœurs, qu'il y a de bonnes choses qu'il faut sauvegarder, mais qu'il y a d'autres qui sont néfastes, surtout quand on sait que dans notre société patriarcale, la fille vient toujours en dernière position par rapport à son frère. Ce qui fait que, une fois, quand on dit qu'il faut qu'il y ait l'héritage est destiné aux enfants issus d'une même lignée, nés des mêmes parents, on ne peut pas parler d'une fille ou d'un garçon. On ne le distingue pas. Comme tous sont des enfants, ils sont régis par une même loi, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau institutionnel. Dans le passé, un projet de loi sur la succession avait été déposée à l'Assemblée nationale, mais le processus s'est arrêté. Qu'est-ce qui a constitué ce blocage, selon vous? Moi, je pense que ce sont ces malentendus ou c'est créé par ces mœurs et coutumes. Bon, le président est le père de la nation, comme on l'a dit. Quand il proclame ou il fait un discours, c'est ce discours que les techniciens à la matière sont censés de prendre à cœur et de l'exploiter positivement pour le bien de tous, pour qu'il y ait équité pour toute la communauté burundaise. Les usagers du pont de la rivière Nyanhoni reliant le quartier Mukenge à la colline Kirama se plaignent de son impraticabilité et éprouvent des difficultés à le traverser en allant demander différents services au chef-lieu de la commune et province Makamba. Un homme est mort après être tombé du même pont la fin de la semaine dernière. L'administrateur de la commune Makamba avoue ne pas être en mesure de le réhabiliter, mais qu'il est à la recherche des aides pour cela. Une information de notre correspondant Élisée Kwizera. Ce pont de la rivière Nyanhoni, reliant le quartier Mukenge à la colline Kirama, dans la commune province Makamba, est construit en bois sur lequel sont attachées quelques planches. Il est étroit de façon à ne pas permettre facilement à deux personnes de le traverser parallèlement. À cette rivière se trouve un ravin profond. Les usagers du Duipo sont de différentes collines comme Kirama, Kizingoma, Nyabigina et autres. Ils éprouvent des difficultés à le traverser. Certains de ces usagers, dont les enfants et les personnes âgées, ne peuvent pas le franchir sans être aidés par quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un tombe malade, il leur est difficile de le transporter à l'hôpital puisque le pont est totalement impraticable pour les motos et véhicules, disent-ils. Lorsque la pluie est tombée, ils ajoutent qu'il devient glissant. Ces mêmes usagers indiquent que ce pont leur donne accès au chef-lieu de la commune et province Makamba, où ils trouvent les écoles, les structures de santé, le marché, pour ne citer que cela, et demandent qu'il soit aménagé. L'administrateur de la commune Makamba, Zuena Irakiza, fait savoir que la commune n'est pas à mesure de le construire, mais qu'il a déjà commencé à chercher des âmes charitables qui pourraient aider dans sa construction. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. La population réagit différemment face aux violences qui se déclenchent dans une société. Certains soutiennent les auteurs de ces conflits au moment où d'autres prônent une bonne cohabitation. L'expert en résolution pacifique des conflits, Sylvain Senguiyumva, indique qu'il faut des actions qui renforcent la confiance et la cohésion sociale. Une idée soutenue par la population et l'administration de la commune Itaba en province de Gitega, qui précise que par leurs conseils, ils ont pu asseoir une paix durable dans leur communauté. Cette chronique sur les messages de haine est signée Francine Dihokugayo. Nahonye n'urumva ni ngorane zashyizigaruka kuri twebwe ababaye cyanke abandi bantu baba ku mutumba. Ce sont des habitants de la colline Itaba qui se mobilisent face aux violences communautaires. Conscients des conséquences néfastes de ces conflits, ils estiment qu'il est de leur devoir d'intervenir pour protéger la société et préserver la paix. Ce n'est pas du tout facile de calmer des personnes en colère. Seulement, il faut y aller doucement pour apaiser les esprits. Je conseillerais à ce genre qui se foutent de ce que les conflits peuvent générer dans la communauté, de prodiguer plutôt des conseils aux différents groupes pour une paix durable. Je ne vais pas Je les appellerai à intervenir à chaque fois que des conflits surviennent entre les membres, parce que s'ils ne le font pas, les gens peuvent mourir, le pays perd, mais également il y aura violation des droits de l'homme. Il n'y a pas encore eu de violence chez nous, mais si des cas pareils arrivent, je devrais me mettre au milieu et leur dire que les autorités locales et la justice sont là pour les aider, car nul n'est au-dessus de la loi. Le secrétaire exécutif et permanent de la commune Itaba, Omer Ndayahundwa, souligne l'importance d'une approche inclusive pour résoudre ces tensions. On essaie de les séparer à métal d'une part et l'autre de l'autre côté, par des réunions de renforcement, de cohabitation, par des conseils entre personnes de la famille. Nous encourageons ces populations à ne pas quand même mettre en avant les confrontations, risque même d'emporter la vie de l'un ou de l'autre. L'expert en résolution des conflits, Sylvain Sengiyumva, donne différentes attitudes adoptées face aux violences et propose quelques actions à mener pour un changement de comportement. Il y en a qui préfèrent se mettre ensemble et dialoguer pour trouver une solution constructive. Il y a d'autres qui font recours au droit, c'est-à-dire la justice. Il y en a d'autres qui font recours à la force. Il y en a qui apprennent par des témoignages. Parce que le témoignage, c'est l'éducation. On apprend par expérience, le témoignage, c'est l'éducation. Donc, c'est, les témoins actifs sont, constituent une éducation bien. C'est une approche bien efficace pour pouvoir impliquer les gens qui n'étaient pas là dans la consolidation de les bonnes actions, l'histoire de succès qu'on a connu dans le passé, qui peuvent nous aider à éduquer les gens comment cohabiter pacifiquement malgré les conflits, parce que les conflits, on ne peut pas les éviter. Cet expert recommande notamment de valoriser les figures locales qui ont su instaurer une bonne cohésion sociale, les érigeant ainsi en modèle pour la communauté. Il estime qu'à travers le dialogue et l'implication de tous, il est facile de bâtir un Burundi plus stable et solidaire. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et de la technique qui m'ont aidé à le réaliser. Passez de bons moments à l'écoute de nos programmes.